de la place dans l'appart. Assez pour pas qu'on se cogne, mais rien n'y fait. Je peux pas vivre sans toi, mais tu m'agaces, tu me fous en rogne, non rien n'y fait. Solennellement on a juré qu'on se fait plus de mal désormais, mais rien n'y fait. Résolution de premier de l'an, qu'on oublie dans l'instant, non rien n'y fait. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge, à grands coups de latte, ou à l'arme blanche. C'est dans nos gènes, ça nous démange, il faut qu'on se batte. On avait rendu les armes, réussi à sécher nos larmes, mais rien n'y fait. Négocier une trêve, sceller l'accord avec nos lèvres, qu'est-ce que tu me plais? C'est sûr entre nous, ce truc là, ça marche à tous les coups, mais rien n'y fait. Demain y'aura des cris, y'aura des drames, des cendriers qui planent, non rien n'y fait. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge, à grands coups de latte, ou à l'arme blanche. C'est dans nos chaînes, ça nous démange, il faut qu'on se batte. À ta guise, je finirai au cimetière. Mais si tu lâches prise, alors c'est moi qui t'enterre. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge, à grands coups de latte, ou à l'arme blanche. C'est dans nos chaînes, ça nous démange. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge, à grands coups de latte.